Exercice 2. Oui, bonjour, c'est Coralie. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je vais bientôt déménager dans un nouvel appartement. Tu vas voir, il est super. Il y a un grand salon et deux chambres. Je t'appelle aussi pour te demander de l'aide. Tu es d'accord pour venir m'aider vendredi à monter les meubles ou à porter la décoration ? Marie et Simon viennent de 14h à 16h. Tu pourrais venir vers 17h ? Après, on mangera une pizza ? Rappelle-moi. Salut !